de Ménave, tout le long d'Oturlututu. L'autre souris, mi père Ménave, tout le long d'Oturlututu. Tout le long d'eau, long, la lirette, tout le long d'eau, Bouissou. Tout le long d'eau, long, la lirette, tout le long d'eau, Bouissou. Il rencontrit une bergère que gardave Turlututu. Il rencontrit une bergère que gardave Turlututu. Que gardave long, la lirette, que gardave sous motou. Que gardave loulou la lirette, que gardave sous motou. L'Occitan Limousin, épisode 3. Locutrice et locuteur. Retirez-vous, me dit c'est-elle, ou ne sait pas turlututu, ou ne sait pas loulou la lirette. À la limite entre la Creuse et la Haute-Vienne, Denise nous ouvre la porte de sa maison dans le village de Fromental. Moi, alors je vais vous parler français, je suis née dans cette maison. Elle n'était pas comme ça, parce qu'elle a été rénovée depuis. Enfin, je suis née dans cette maison, j'avais mon grand-père, mes parents. Et donc, on ne me parlait pas toi. Et ma cousine, qui était partie à Paris, elle venait en vacances. Donc j'avais grandi, je devais avoir quelques années, enfin je ne sais pas, 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas exactement. Elle parlait français. Et il paraît que j'ai dit à mes parents... Eh bien, moi, je veux parler français maintenant, parce que je trouve que le patois, c'est pas beau. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler français, mais après, à l'école. À l'école. On a toujours parlé français. Mais avec mes parents, on parlait patois. Et pas avec mon mari, je parlais français. Et pourtant, ils connaissaient le patois. Tout le monde se parlait patois. Et dans le village, si on voulait savoir, dit le village, on y a 7 maisons. Car tout agriculteur, nos paysans, car pas d'entrepreneur qui mourra. Sans nous trahir, il y a des vassins. Il y a le tombereau, la le granier, le zu, il y a la vassin. Vous ne connaissez pas quoi votre aille. Aura la vassin, il n'y a plus besoin de la garda, la garda en tas sous là. La clôture électrique, il n'y avait pas de clôture électrique. Les gens qui étaient nés, qui parlaient patois, entre eux, là, dans le village, les gens se parlaient toujours en patois. Ils ne se parlaient pas en français. Il y avait que chez Viol, parce que c'était pareil, c'était des rapportés. Ils venaient d'Auvergne, ils sont venus en métayer là. Et elle parlait français aussi. Et à Fromental, il y a un maître, on ne voit pas commode. Il ne faut pas faire faute. Il faut ça, il y a un mec sur la tête et puis copier le mot. Un peu toi, il faut le copier. Mais on a donné un truc. On dit, ici, on parle français. Eh bien, vous savez, je vais vous donner un truc pour savoir si les mots ils se terminent en et ou e. Eh bien, vous parlez en patois. Par exemple, la cheminée en patois qui a fait la tsaminade. Le patois pouvait nous servir. Mais le maître nous avait donné une consigne. Quoi, disait, si vous savez parler patois, vous faites ça, puis vous saurez s'il faut et ou e. La vallée, surtout la cheminée. Le cheminée et. Ou la cheminée et eux. Alors, saminade, ad, ça veut dire et eux. Moi, je suis née au Puymot. J'avais mon grand-père, ma maman, mon papa, qui me parlaient patois. Je l'ai appris toute petite. C'était ma première langue. Je suis bilingue. Il sait bilingue. Il cause patois, mais français. Et après, l'anglais, quand il y en avait à l'école. Et pendant l'école, il y en avait en vélo. D'abord, il y en est à pied, puisqu'on voulait qu'il parle patois. Il y en a à pied, il fait 5 km à pied le matin, puis il y en a, autant le cerf, père tournant. À 12 ans, le maître d'école venait vers ma maman, où il disait, j'ai appris à Denise tout ce que je devais lui apprendre. Maintenant, madame Vieille-Rivière, il faut l'envoyer au cours complémentaire. Mais monsieur Bouillet, c'est loin le cours complémentaire, c'est à Bessines. Eh bien, il fait, je Samy, Mati, 11 km à vélo, cerf, 11 km à vélo, Perna au cours complémentaire, qu'on n'est pas collège à l'époque, cours complémentaire à Bessinard. Elle ne commence dans le cours complémentaire dès la salle des fêtes. n'y avait qu'un professeur, M. Brissot, pour 40 élèves. Voilà. Et passé mon certificat, il y a fait construire nos baraquements en beau, pour nous meutre, dans pas de collège. Et passé mon certificat en cinquième, avec prix d'orthographe et de grammaire. Merci Bouillet. Nous sommes partis après la guerre d'Algérie, il est revenu. On a fait des démarches, il est parti, il est rentré. Nous sommes partis à Bonnat, pas Bonnac, hein, B-O-2-N-A-T, dans la Creuse. Il est rentré à l'EDF. D'abord, on ne parlait pas patois, puisque nous, on était des rapportés, comme on dit. On venait, donc on parlait français avec les gens. Eux, ils parlaient peut-être patois entre eux, mais bon... Non, du moment qu'on était déraportés, on parlait français. À l'épisode précédent, nous avions rencontré Monique, dont l'œuvre littéraire est largement connue dans toute la zone occitane. Elle est devenue une locutrice sur le tard. Bon, moi, ça va être une longue histoire, puisque je vais avoir bientôt 82 ans, donc... En fait, je suis née donc, juste avant la dernière guerre, en juin, 28 juin 1939. Et je suis née chez mes grands-parents qui étaient paysans dans une ferme. Ils étaient métayers dans une ferme qui est sur la commune de Vic-sur-Breuil. C'est au sud de la Haute-Vienne, tout près de la Corrèze, pas loin de la Dordogne. Ben, on ne parlait que patois, parce qu'à l'époque, évidemment, on disait pas, on ne considérait pas que c'était une langue. En fait, c'est probablement la première langue que j'ai entendue. Hein. Au fur et à mesure que je grandissais, bien sûr, ma mère ne me parlait que français et m'interdisait de parler patois. C'était très, très mal vu. On savait bien que si on voulait progresser dans la vie, il fallait parler français. Donc, par contre, ma grand-mère ne me parlait que patois. Des fois, évidemment, je voulais l'imiter parce que ça me faisait envie. Elle m'arrêtait tout de suite et elle me disait « Pito, qui est défendu ?» C'est petite, c'est défendu. C'est « Qui est de parler patois ?» C'est « Les de parler patois ?» Donc voilà, pour moi, c'était effectivement une langue, je ne l'avais jamais parlé. Mais je disais quelques phrases comme ça, quelques mots, mais c'est tout. Puis bon, je comprenais parfaitement tout ce qu'on pouvait dire, parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de gens dans le milieu rural qui la parlaient, cette langue. Voilà, et puis la vie a passé, et puis à un moment, ça ne faisait pas très chic quand j'étais ado, puis après, jeune femme et tout, c'était pas très, ça ne faisait pas très chic quoi, de parler patois. Et puis, je suis arrivée à l'âge de la retraite. À cette époque-là, je connaissais une dame avec qui je n'avais pas beaucoup d'affinité. Chaque fois que je la rencontrais dans les rues de Limoges, elle me disait « Oh, vous devriez venir au cours d'occitan ». Alors pour moi, à l'époque, le patois et l'occitan, c'était deux choses très différentes. Donc, je me disais « Comment je vais faire ? Il faut que je me débarrasse d'elle, mais quand même... poliment, quoi. Alors, je me suis dit, je vais m'inscrire, puis j'irai en cours une fois, et puis après, je m'en irai, bon. Et à l'époque, pour s'inscrire, il fallait téléphoner. Bon, je téléphone, je tombe sur le répondeur, et ça parlait patois. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'y suis allée, et là, je tombe sur un tout jeune prof qui s'appelait Jean-François Vigneault. Alors, ça a été le coup de foudre. Et j'ai compris quasi immédiatement qu'en fait, en patois, c'était une langue qui s'appelait l'occitan. Et là, je me suis bien sûr inscrite au cours. Et puis je ne loupais pas un cours pour le coup. Et après, l'année d'après, il y a un autre jeune prof qui est venu, Jean-Christophe Dourdet, qui est d'ailleurs maintenant prof à la fac de Poitiers. Et puis un jour, Jean-Christophe nous a dit « Ah ben tiens, on devrait faire un atelier d'occitan, un atelier d'écriture en occitan, pardon. » Et puis on était, je ne sais pas, moi, 5 ou 6, on a dit « Bon, d'accord, on y va. » Donc chacun, on écrivait chacun des petits morceaux de texte et tout, on les lisait et tout. Puis moi, à l'époque, ma vieille tante venait de mourir et c'était, je l'adorais, je l'aimais beaucoup. Et puis, j'ai évacué un peu mon chagrin comme ça, en écrivant des petits textes sur elle. Et comme elle était très, très pittoresque, ça faisait rire les autres. Et puis, un beau jour, Jean-Christophe nous dit « Ah ben, tous les ans, il y a un concours de littérature occitane au Val d'Aran. On n'a jamais participé, donc on va écrire un texte ensemble. Et on l'enverra là-bas. » Et les autres ont dit, ben non, il faut prendre les thèses de Monique. Bon. Et donc, j'ai regroupé mes thèses, j'en ai fait un petit bouquin. Mais j'écrivais phonétiquement. Et puis, Jean-Christophe Dourdet a écrit ça en graphie normalisée. Il a envoyé ça au Conseil général du Val-d'Aran en février. Donc, on a dormi dessus. Puis, personne n'y a pensé, moi, la première. Au mois de juin, je reçois un coup de fil du conseil général du Val d'Aran. On me dit, madame, vous êtes finaliste du grand concours de littérature. Alors là, je tombais des nues. J'ai appelé Jean-Christophe et puis il me dit, bien, on y va. On descend. Donc on est partis tous les deux en voiture au Val d'Aran. Et puis on est arrivé là-bas, habillés comme en tous les jours, quoi. Et on arrive là-bas, mais c'était pire que la cérémonie, la remise des Césars. C'était grandiose et tout. Et puis, alors, en arrivant là-bas, on apprend qu'il y avait deux prix et trois accessites. Alors, ils ont commencé par le troisième accessite. Moi, j'étais prête à partir, là, dans les starting blocks. Non, c'était pas moi. Deuxième accessite, c'était pas moi. Premier accessite, c'était encore pas moi. Ah, Jean-Christophe se tourne vers moi, il me dit « Oh putain, mamie, tu as un prix !» Alors, effectivement, cette fois-là, j'ai eu le deuxième prix. C'était pour moi, c'était Byzance, quoi. C'était inespéré. Et on est reparti tout content. Là, il a bien fallu que j'apprenne la graphie normalisée. Ça a été quand même très dur, hein, parce que j'avais déjà plus de 60 ans et on n'a pas les neurones aussi souples quand même qu'à 20 ans. Mais je m'y suis mise parce que je me disais que ça valait le coup et que j'avais découvert un trésor, j'avais découvert que mon patois était une langue. C'était merveilleux. Je me rappelle ma maman, quand elle a su ça, elle était horrifiée et elle me disait « Après tous les sacrifices qu'on a fait pour toi avec ton père !» C'était vraiment pour elle une régression sociale, mais c'était terrible. Quand mon premier livre est sorti, alors là, elle était quand même assez fière. Hein. Et à ce moment-là, elle était dans un foyer logement où il y avait pas mal de gens d'origine rurale. Et la directrice du foyer logement m'avait dit « Ah ben ce serait bien si vous veniez faire une lecture de votre livre. » Je dis oui, pourquoi pas. Elle me dit, il y a beaucoup, beaucoup de résidents donc, qui seraient intéressés. Donc, elle avait fait une affiche et puis elle avait mis ma photo et tout. Et alors, ma mère était outrée. Mais outrée. Tu m'as toujours fait honte. Tu me feras toujours honte. Et alors, le grand jour arrive. Et alors, c'était dans une grande salle. C'était très bien fait. Il y avait des tas de rangées de chaises, une allée centrale, une table qui était préparée pour moi. Et puis donc, je monte chercher ma mère et je lui dis, tu es prête ? Non. Et tu ne vas pas descendre ? Non. Bon. Moi, je dis, écoute, t'as qu'à rester. Hein. Puis je redescends et bon, la salle s'est complètement remplie. Et alors, il y avait les autorités qui étaient devant, la directrice de maison de retraite, je crois qu'il y avait le maire ou je ne sais plus, enfin bon, bref. Et moi, je m'installe à la petite table. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois arriver ? Ma mère, avec sa canne. Et ma mère qui ouvrait des yeux énormes parce qu'elle a vu tout ce monde. Ah, ça l'a ébahie. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu la honte de ma vie. Elle a remonté l'allée centrale avec sa canne. Puis elle saluait à droite à gauche. Et puis elle disait, c'est ma fille ! Et c'est elle qui a écrit le livre. Elle était là. Alors, elle a voulu s'installer à côté. On l'a vite installée à côté du maire et tout ça. Et alors, elle était vraiment ravie, finalement. Et puis après, elle avait pris le pli quand même. Et elle, ben oui, et après, elle est partie en maison de retraite. Et là, elle était au contraire toute fierotte parce que, bon, sa fille était une personnalité. L'IEO, ça a été une rencontre. Alors, c'est Jean-François Vigneault, c'était ma première rencontre. Et c'est comme ça que j'ai eu connaissance de l'IEO du Limousin. À cette époque, la librairie, c'était pas cette librairie-là, c'était une toute petite librairie qui était pas loin de la cathédrale. Et c'était tout petit, mais c'était très chaleureux. Et petit à petit, comme ça, je me suis trouvée chez moi, d'ailleurs, d'abord. Bon. Avec tous ces jeunes qui parlaient occitan. Alors, il y a eu Jean-François, Jean-Christophe Dourdet à l'époque, Jean-Marie, Magali, j'en oublie peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, il y a eu toute l'équipe de l'IEO. Et je me suis sentie vraiment chez moi. Je retrouvais vraiment ma langue et une biais des vieux, c'est-à-dire une façon de vivre, des idées, oui, une façon de vivre aussi. Je me suis sentie vraiment chez moi. Et ces jeunes m'ont accueillie. Et ça a été tout de suite sur le temps. C'est toujours la convivialité et la gaieté. Je me rappelle le jour de mes 70 ans, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais m'offrir? Il faut quand même que je me fasse un beau cadeau pour mes 70 ans. Et puis j'ai dit, tiens, je vais m'inscrire à l'université de Montpellier. Et alors, je me suis amenée à l'université. Oh là là, c'était extraordinaire. La première année, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que je n'avais pas le rythme. C'était quand même, bien sûr, c'était en EAD, en enseignement à distance, donc je faisais ça, je travaillais beaucoup chez moi. Mais quand même, il fallait avoir un rythme. Alors, quand j'ai passé... il devait y avoir plus ou moins des partiels, oui, c'est ça. Alors, c'était épouvantable. J'avais pas le rythme. Et les jeunes allaient beaucoup plus vite que moi. Et je me rappelle, un soir, je suis restée jusqu'à 20h30, 8h30. C'était vraiment la limite. Il y a un prof qui était mon prof d'histoire, Philippe Martel. Quand je lui en parle maintenant, je lui dis, tu te rappelles quand je t'ai fait rester jusqu'à 8h30? Il m'a dit, non, je ne me rappelle pas du tout. Les profs étaient super sympas avec moi. Ils m'avaient accordé un temps supplémentaire. Et là, j'ai cru abandonner la première année. C'était trop, trop rapide. Puis je me suis accrochée. Et puis à partir de la deuxième année, là, j'ai trouvé le rythme. Là, c'était... Et chaque fois qu'il y avait un partiel ou un examen, j'avais fini bien avant les autres. Et j'attendais devant la porte. Puis je récupérais les gens qui sortaient en pleurant. Alors je leur remontais un peu le moral. Enfin, c'était vraiment sympa. Et puis, j'ai passé ma licence. J'avais 73 ans. Et après, mes profs m'ont dit, il faut que tu fasses un master 1. Bon, alors pour rester dans l'ambiance, j'ai fait un master 1. Et puis, après, ils m'ont dit, tu vas faire un master 2. J'ai dit... Et puis je pensais les coincer en leur disant, je vais prendre un auteur, d'accord, mais moi, je veux, si je fais un master 2, ce sera sur la langue que parlaient mes grands-parents, leur patois. Je veux quelqu'un qui soit vraiment, qui parle la même langue qu'ils parlaient eux. Et il y a un prof qui me dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas Panazo? Alors, Panazo, ça dit peut-être trop rien aux jeunes, mais pour les anciens, c'est quelqu'un qui a fait un travail formidable pour la langue. Alors là, j'en revenais pas. Ah, puis j'ai dit banco, je prends. Et donc, je me suis lancée complètement. Je ne savais pas où j'allais. Et Jean-Marie connaissait bien le fils aîné de Panazo. Donc, il m'a dit, écoute, on va aller le rencontrer. Il habite Brive, on va aller le rencontrer. Et Jean-Marie, qui est moucandier comme pas un, il a téléphoné à Daniel Dexé, le fils de Panazo, en lui disant, je t'amène une étudiante qui va faire un mémoire sur ton père. Bon, alors, on arrive à Brive. Et alors, je revois encore la tête de Daniel Dexé. Il cherchait visiblement où était passée l'étudiante, quoi, parce qu'il nous voit arriver tous les deux. Et il dit à Jean-Marie, mais tu m'avais parlé d'une étudiante. Mais il dit, oui, la voilà. Alors, c'était le grand fou rire. Et puis, Daniel Lexé et ses frères m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Ils m'ont procuré des tas de documents. Enfin bon, ça a été formidable. Et j'ai vraiment... ça a été que du bonheur de faire ce travail-là. Et donc voilà, j'ai passé mon Master 2, 75 ans. Voilà. Raymond a vécu toute sa vie sur la commune de Fromental et parle patois depuis son plus jeune âge. Installée autour de la table de la cuisine, elle nous raconte. On parlait toujours patois depuis la naissance. On parlait toujours patois au Maniel. On avait appris le français à l'école. Sans ça, on allait à l'école à 5 ans, 6 ans. Donc avant, on parlait patois. Et tout le monde dans le village parlait patois. Mais ce n'est pas tout à fait le patois de l'Occitan. Et tu vois, nous, à Bessines, je ne sais pas si c'est la Gartempe qui coupait le patois, parce que Villars dépendait de Fromental à l'époque. Et Villars n'avait déjà pas le même patois que nous. Et alors Robert, là de chez Gura, quand il est venu à la maison, ben, on ne comprenait pas son patois. C'était pas du tout le même patois que le nôtre. Saint-Amand, chez Gura, n'avait pas le même patois que nous à Bessines. Comme tu vois, nous, tu sais, quand on allait chercher le foin, on avait les charrettes avec des échelles pour mettre le foin. Alors nous, au Maniel, on l'appelait la Etzala. Tandis que Robert, lui, il disait la quoi. Alors, c'était quoi? C'est quoi ça? Eh bien, il a dit, c'est les échelles. Mais chez nous, on ne comprenait pas. Et puis, bon, nous, les pommes de terre qu'à la trèfle, là, eux, c'était les pommes de terre. Nous, on l'utilisait partout parce qu'on ne parlait que patois. Moi, j'étais élevée en patois. Et j'ai parlé patois jusqu'à l'âge que j'aille à l'école. À l'école, on parlait français, mais avec mes copines, on parlait patois. On parlait toujours patois. Hein? Bon, après, bon, quand j'étais au salon de coiffure, il a fallu parler français. Hein? Et puis, bon, ben, après, ça a été le français. Mais des fois, on esquintait le français par rapport au patois. Mais où c'était le plus dur, c'est quand on allait à l'école, tout au début. Comment il fallait parler? Donc, le français, on ne connaissait pas, nous. Hein? Et comment ça se passait, du coup, à l'école? Oh, ben, on a vite compris quand même le français à l'époque. Tu sais, les gamins, quand on est gamin, ça va beaucoup plus vite. Donc, on avait appris le français. Et puis, bon, ben, y avait les cousins de chez Jules, tu sais, là. Ils étaient quand même 13 enfants. Alors donc, les gens qui venaient les voir parlaient français. Alors on avait un peu du français, mais c'était juste. Hein. Bon, ça faisait, avec ceux de la ville, ça faisait une différence. Hein. Eux, ils parlaient français. Nous, bon, les copines, on se parlait patois hein, à l'école. Mais avec la maîtresse, il fallait parler français. Et puis les autres copines qui parlaient français, il fallait parler français. Alors des fois on mélangeait peut-être bien un peu, hein. Je m'en rappelle plus. Hein. Vois-tu, il y a eu beaucoup de... Pendant la débâcle, là, il est venu des gens de tout pays. Hein. Et donc, on parlait en français. C'était tous des gens qui parlaient français, ou alors ils avaient leur patois à eux. Donc, on échangeait quelques mots en patois, c'est tout. Mais on parlait français. À la guerre de 39, là, 40. Et alors après la guerre, là, après 45, eh ben, nous, on a continué à parler patois. C'est bien pour là qu'on a parlé aux enfants français. C'est après la guerre. Eh bien, les gens naviguaient. Ça naviguait... Il y en a qui étaient encore restés, qui étaient venus de je ne sais où et qui étaient encore dans les villages comme ça, parce qu'ils avaient envahi toutes les maisons qui étaient libres. Donc ils parlaient français, donc on leur parlait en français. Papy parlait patois, même avec les filles. Hein. Nous, on parlait patois. Et puis quand on voulait leur parler, c'était français. On n'a pas voulu leur parler patois parce que c'était plus la mode. Donc, comme elles allaient à l'école et puis dans les autres écoles et tout ça, on a toujours parlé français. Et puis c'était l'époque où tous les gens parlaient français à leurs enfants. Donc on leur a parlé en français. Croisé à Magnac-Bourg dans l'épisode précédent, journaliste, agriculteur et comédien amateur, Sébastien est très attaché à sa langue occitane, intimement liée à son parcours. Sébastien Péjou, je suis né à Limoges en 1988 et originaire de Meusac et Magnac-Bourg. Mon rapport à l'occitan, depuis que je suis né, hein, parce que justement mes grands-parents, dans la maison que je rénove actuellement, parlaient occitan. Alors ma grand-mère est décédée quand j'étais jeune, mais j'ai très bien connu mon grand-père et on parlait comme ça, ou j'entendais plus exactement mes parents parler avec mon grand-père. Et avec moi, par contre, il parlait français. Mais j'entendais tout ça. Et j'étais tout le temps en train de demander à ma mère, mais qu'est-ce que ça veut dire, Keko Carré, Koti, qu'est-ce que ça veut dire, Loufé, Kepeto, j'en sais rien. Mais à chaque fois que j'entendais, je me demandais ce que ça voulait dire. Et automatiquement, je retenais. Et automatiquement, je retenais tout ça. Donc, c'est né comme ça, naturellement, transmission familiale, comme maintenant, il y en a de moins en moins. Ça devient très, très rare, cette transmission-là. Donc, moi, ça a été une transmission très naturelle. En fin de compte, j'entendais chez moi autant parler le français que la langue limousine, quoi. Donc, moi, je trouvais ça très naturel de parler la langue limousine autant que le français. Je pouvais passer d'une langue à une autre de façon très naturelle. Alors, au début, avec un vocabulaire très limité, forcément, mais voilà, c'était assez naturel. Et puis, j'avais la chance d'être dans un tout petit collège à Saint-Germain-les-Belles quand je suis arrivé au collège. Et je me suis retrouvé avec quelques-uns qui faisaient comme moi, qui avaient entendu la langue. Donc, ce qui fait que des fois, on parlait un peu comme ça. Dans la cour et à certaines fêtes de collège, ça nous était arrivé de faire des sketchs pareils en langue limousine. Et on insistait pour le faire et on avait aussi la chance d'avoir une prof d'ailleurs sur Magnac, prof de latin et français, qui habite Magnac-Bourg et qui parlait très bien l'occitan. Et donc ça nous a permis comme ça de pouvoir faire des sketchs à ce niveau-là. Et ensuite au lycée, bon pareil, on est toujours un peu la même équipe, mais entre nous, quoi. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on avait créé la troupe de théâtre. Au moment où on est parti, où on s'est quitté du collège et où il n'y avait plus ces fêtes-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on ne voulait pas intégrer des troupes existantes de théâtre parce que elles ne nous intéressaient pas bien. Donc on a dit, on va créer notre propre truc. Et une fois arrivé au lycée, parce qu'on s'est dit, au lycée, il n'y a plus de fêtes de trucs, donc on a créé notre troupe de théâtre à ce moment-là. Et donc, pour terminer sur les études au lycée, j'avais au moment du bac pris l'option occitan. Donc j'ai été coaché par mon cousin qui est là aussi, il est décédé, Jean-Claude Roulet, qui était aussi auteur poète occitan. Et donc il m'a coaché, il était enseignant, il enseignait aussi le français à la fac pour les étudiants étrangers, etc. Donc il m'a coaché, j'avais encore plus de textes énorme au moment de l'examen. Je me rappelle de la tête de l'examinateur quand il a vu alors quel texte vous avez étudié, quel texte vous avez étudié là-dedans, non tous, tout le gros paquet là. C'est qui vous a coaché? Jean-Claude Roulet. Ah oui, d'accord. Et donc je passais tous mes samedis après-midi à étudier des textes. C'était même des fois des samedis entiers, hein, je dois dire, pas que le samedi après-midi, mais c'était passionnant, mais des fois assommant aussi, parce que voilà, il m'abondait de textes en tout genre. Et bref, et donc j'ai passé ça au bac. Ça a été de très loin ma meilleure note, de très très loin, quand on sait que j'ai eu 5 en anglais et que j'ai eu 20 en occitan. C'était assez flagrant de savoir quelle était la langue qui m'intéressait le plus. Et puis après, j'avais voulu le prendre à la fac. Une fois que j'ai été, après le bac, j'ai été étudiant à la fac de droit, et pareil, je voulais le prendre en option. Il y avait encore une option à la fac de lettres. Elle n'a pas duré longtemps, elle n'a que duré un an, et après l'option a été arrêtée. Donc du coup, j'ai pas mal de choses à arrêter aussi. Et voilà. La noche. après, après, per s'accompagno, l'anno, l'anno d'humanità. Et fond, il fond della campagna, la di, la divinità. N'aprei, n'aprei, n'aprei per s'accompagno, l'anno. Fa della campagna, la divinità, la divinità, la prevescia compagno, notre umanità, notre umanità, il fa della campagna. À 20 minutes de Limoges, la résidence à Delimes, qui se trouve dans la commune de Pierre-Buffière, héberge des personnes qui ont grandi à une époque où toutes et tous parlaient l'occitan dans les villages. Nous avons décidé de discuter avec elles. La bicicletta, che andiamo, che era sullo stavo io, per una. E allora lei ha un ballo di due quanti. Dice, diciamo a me, dice, non ha che fare, si diceva lì, mi era per fare che il mondo si lo porto a casa. E ti patrei, un viso. Allora, metti, lo pare arrivo. Lo non so fare so meno. Le vinca non si si detta. Non c'era in città sera. La grande mai se lo porto a casa. Io se lo cadre. Era lui che pedalava. Era la pera aperto. Lui ma la pera che rollava pa' viene. Lo pobre soffer, che tombe per terra, quando mai lo pita figlio, non mi e lo cordeo, figlio, non mi disciamo, non pa' che, e io poco che se lo cordeo si dica, insomma. Oui, moi je m'appelle Jean-Henri Cédérier, je suis né à Saint-Pierre-du-Vaux, à côté là. Quand on était à l'école, on parlait moitié patois, moitié français. Alors on a été obligé de parler français quand même. Alors à ce moment-là, on parlait français à l'école. Quand je vais à Paris, je ne parle que français, je ne parle pas toi. J'ai toujours parlé pas toi, moi. Hein. Enfin, pas toujours. Quand je suis allé à Paris, je parlais bien français. J'étais bien obligé. Quoique, il y avait beaucoup de Parisiens qui ne parlaient pas toi, parce que j'étais postier. Alors dans les postiers, il y en avait beaucoup qui venaient de la campagne. Je vais être très rapide, je m'appelle Maëlle Périou, parce que c'est la contraction de mon prénom, de mes deux prénoms. Je m'appelle Marie Marcel, Maëlle. Alors mes frangins et mon papa, ma maman m'ont toujours appelé comme ça. Sinon, je m'appelle Marie-Marcel. Je suis née à Oradour-sur-Vair. Je vous ai dit que mon papa était maître bottier. Il faisait les chaussures sur mesure pour ceux qui pouvaient payer, parce que ça ne se donnait pas. Et ma maman était maître couturière dans l'atelier qui est devenu ma tante après. Dans son atelier, elle avait 16 personnes, 16 employés. Et ma maman était sa préférée. Pourquoi ? Parce qu'elle était excellente ouvrière. Et c'était toujours à elle qu'elle demandait comment on fait ça, etc. Alors moi, je m'appelle Marcel Morin. Je suis retraité, évidemment. Je suis né à Saint-Hilaire-les-Places, en 1929. C'est-à-dire dans un mois, j'aurai 92 ans. J'ai été salarié dans une entreprise agricole au départ. Et c'est vrai que moi, à la maison, on ne parlait pas quoi. Je suis allé à l'école, je ne parlais pas quoi. Je ne parlais pas français. Et c'était ça dans les années 35-36. Et alors, bien sûr, il a fallu que je parle français, parce qu'à l'école, c'est pas question de parler pas quoi. Et oui, je pense à 90% par le patois. Creuil et Zabichel. Mes parents, je suis toujours resté avec. Parti en 1943 de chez moi. Mon père m'a dit, quand j'ai passé mon certificat, il m'a dit, est-ce que tu veux continuer l'école? Veux-tu continuer à l'école? Moi, j'ai dit non. Et bien, il m'a dit, tu en as travaillé. Puis il m'a loué chez un tuilier. J'y suis resté un an. Puis après, j'ai changé, j'ai été domestique dans une ferme à Saint-Béat. On ne parlait pas toi pareil. Partout, on ne parlait pas toi là-bas. Il n'y a que la Corrèze qui n'est pas tout à fait le même. Oh, dans le pré, dans le champ, partout. On ne parlait pas toi aux vaches. Est-ce qu'il y avait des punitions si vous parliez le patois? Oh non, mais... Il ne faut pas parler patois, ça fait mal de parler le français après. Bien. Oh, même tous les trois. Bien sûr, ils sont toujours restés à la campagne avec, alors. Vous savez, la campagne, ils ne parlaient pas beaucoup français. Hein. Même tout le monde dans le village, quand on se trouvait, on ne parlait pas beaucoup français avec tout le monde. Tous les voisins parlaient que patois. J'étais à l'école en 36. C'est là qu'on a commencé à parler français. Tous les bourgs comme ça, les bourgs de campagne, on parle partout patois. Tout le monde parle patois. Quand ça soit les foires, c'était pareil, tout le monde parlait patois. Les gens amenaient des bêtes à ventre, mais ils parlaient patois. Même dans le bal, on ne parlait pas toi, même avec les gens, quand on rentrait pour payer. Les gens ne parlaient pas toi. Je n'ai jamais parlé pas toi. Mais j'entendais parler pas toi, mais ma petite mémé, justement, qui vivait avec ma maman, elle était toute seule, on s'occupait beaucoup d'elle, et elle beaucoup de nous aussi. Et donc, ma maman et sa maman se parlaient pas toi. Mais on ne nous a jamais appris le patois. Par contre, j'ai parlé le patois parce que j'entendais parler et j'enregistrais ça dans ma petite cervelle. Ce qui fait que j'écorche un peu de patois, mais sans le parler vraiment. Non. À l'école non, ou... Non, jamais. Par contre, j'adorais parler patois pour parler comme ma grand-mère. Parce que j'adorais cette grand-mère, elle était formidable. Mais elle savait très bien parler français. Elle parlait très bien le français. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est assez rare, mais elle était d'une intelligence rare, cette femme. Elle connaissait toutes ses lettres. Elle se rappelait ce qu'elle avait vu dans son petit livre. Et elle me disait, ça c'est bien un A, je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'elle s'est appris, je lui ai appris à connaître les lettres et à faire quelques phrases. Mais ça, c'était trop compliqué, vu son grand âge. Il faut peut-être que vous notiez que même le patois du Limousin varie d'une région à l'autre. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Par exemple, le patois de Limoges n'a rien à voir avec celui de Rochechouart où j'habite. Ah oui. Enfin, pas loin, je suis à Roideau. Par exemple, le patois de Limoges, c'est Ado, la Chaminade. La Chaminade, oui. Et chez nous, là-bas, en Charente, si vous voulez, nous dit la Chamineille. Eh oui, au Rivière-Charente, c'est pas alors, le Limousin. Alors, au lieu des A, c'est des E. Eh oui, oui, oui. Alors, on dit, mais on ne sait pas le parler. C'est vrai qu'on ne sait pas le parler, parce qu'il y a autant de patois que de régions. Hein? Oui, mais c'est interrégional. C'est interrégional, oui. Mais ce n'est pas le Limousin, la Charente. Ah, si, si. Ah, si, si, le Limousin. Jean-Pierre est limousin d'adoption. Il nous accueille dans sa maison de Contraignac à deux pas du lac de Saint-Pardoux. Alors voilà, je m'appelle Jean-Pierre Cavalier. Voilà, je suis enseignant, j'ai 72 ans bientôt. J'enseigne l'anthropologie, après avoir enseigné la philo d'abord, et puis l'histoire, hein, l'histoire des idées, et l'anthropologie vers le tard, et ça a un lien étroit avec l'Occitan, je vais vous raconter. Donc je suis originaire, donc là nous sommes à Limousin, mais je suis originaire d'Albi, dans le temps, donc culturellement du Languedoc, quoi. Et moi j'ai été en contact avec la langue, avec l'occitan, lorsque j'étais enfant. Je passais mes vacances chez mes grands-parents paternels de Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, dont la seule langue de communication au sein du couple était l'occitan. Donc tout ce qui était important et qu'ils ne voulaient pas que je comprenne, ils le disaient à Noc. Donc pour moi c'était très important de... enfin, je n'ai jamais fait d'efforts spéciaux, il ne me semble pas, mais en tout cas, bon, je comprenais ce qu'il disait. Mon père aussi était locuteur, mais ma mère non, et donc il ne parlait pas à la maison à Noc. Par contre, j'entendais mon père qui parlait aux voisins aussi, à Albi cette fois. Mon père s'était transféré à Albi et il parlait en périphérie d'Albi, bon, mais dans une zone encore agricole, et il parlait occitan avec les voisins. Moi, j'étais on ne me donnait pas l'opportunité de parler. J'avais une connaissance de la langue finalement assez bonne, mais purement passive. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai voulu la parler, cette langue. Enfin, je la parlotais, hein, déjà, je la parlotais, mais vraiment, j'avais, pris conscience de l'intérêt qu'elle pouvait représenter, de toute la culture à laquelle elle était associée, grâce à des cours d'occitan optionnels en terminale au lycée La Pérouse d'Albi, où j'avais eu un prof extraordinaire qui s'appelait Canivenc, qui était un prof de fac à Toulouse, un spécialiste Victor Hugo, je me souviens, qui par ailleurs était un occitaniste qui défendait la culture et la littérature occitane et qui de manière bénévole donnait des cours optionnels d'occitan au lycée. Et là, pour moi, la conscience, disons, linguistique et culturelle, elle vient de ce passage, de cette rencontre avec ce prof et de ce cours. J'avais une conscience aiguë du fait, c'était dans les années 70, pourtant, au moment... du revival occitaniste, les affaires du Larzac auxquelles moi-même j'ai fait mes premières armes politiques en me rendant aux manifestations contre l'extension du camp du Larzac. J'étais bien jeune à l'époque, je sais pas, j'avais 14-15 ans, mais bon. Et donc j'avais une conscience de l'importance, enfin, de la langue, et puis aussi du fait que c'est une langue à laquelle on ne donnait aucune espèce de chance pour l'avenir dès cet âge-là. Mais j'avais tellement, j'étais tellement lucide à ce sujet, enfin lucide comme... Enfin, c'était pas... au fond, je pensais ce que tout le monde pensait déjà, à savoir que c'était cuit et archi-cuit, et que donc, se lancer dans ce combat, c'était se lancer dans un combat perdu, et qu'il y avait sans doute mieux à faire en matière d'engagement. Et les années ont passé, jusqu'à ce que mes grands-parents, qui donc pour moi étaient mes références en tant que locuteur, mes grands-parents décèdent. Et donc, vers l'âge de... la quarantaine, quoi, un peu plus. Là, j'ai eu un déclic parce qu'aussi, en pratiquant la course à pied, j'ai rencontré un gars qui parlait hoc tout le temps. Enfin, voilà, dès qu'il pouvait rencontrer quelqu'un avec lequel échanger, il échangeait en hoc. Et bon, il a vu tout de suite que moi, je comprenais, je pouvais un peu parler, mais guère. Et là, je me suis mis vraiment à parler. Je me suis vraiment mis à parler avec le souci, effectivement, de me dire que si moi, je ne parlais pas, eh bien, la langue, elle allait mourir dans la famille avec mes grands-parents, puisque c'était eux, pour moi, qui la parlaient. Et c'est un peu ça. Et voilà, et comme justement, j'avais un enfant jeune qui, souffrant de dyslexie, était maltraité à l'école publique, souffrait à l'école publique, j'ai eu l'idée, enfin nous avons eu l'idée avec sa mère, de l'inscrire en Calandrette, donc dans une école associative occitane. Et comme c'est une école associative, on sait évidemment, comme la plupart des, enfin, comme un certain nombre de parents le font, ils devraient tous le faire d'ailleurs normalement, puisque il s'agit d'associations, on s'est impliqué dans l'association de l'école, et puis voilà, on est devenu, enfin moi surtout, je suis devenu un peu militant de Calandrette, cette association à vocation, donc... culturelle, enfin, et scolaire. Et par ailleurs, comme voilà, je m'étais mis à parler, je voulais aussi pouvoir maîtriser l'écriture. Et comme j'ai enseigné à la fac à Toulouse déjà, je suis allé comme étudiant en cours de première, deuxième, je ne sais plus, troisième année, je ne sais pas. Je suis allé en cours d'occitan, voilà. Voilà, sans m'inscrire, rien du tout, mais bon. Et du coup, ça m'a permis de maîtriser aussi l'écriture, donc de parler, d'écrire, d'avoir une connaissance, de maîtriser la langue, quoi, vraiment. Bon. Et pour des raisons, en fait, de mutation, de ma femme qui a trouvé du travail en Limousin. Nous sommes venus nous installer en Limousin en 2003. Donc il n'y a pas 20 ans, mais pas loin. Et comme j'étais déjà impliqué dans le milieu associatif occitaniste à Toulouse, donc... tout naturellement, mon fils était encore à l'école primaire et donc on a fait notre possible et on l'a inscrit dans la Calandrette de Limoges, puisqu'il y a une Calandrette à Limoges. Et par ailleurs, je me suis rapproché de l'Institut d'études occitanes et j'ai commencé tout naturellement, je dirais, à collaborer avec l'Institut d'études occitanes de Limoges. Tout naturellement, parce que il n'y a pas de barrière, linguistique entre le languedocien et le limousin, même si la phonologie est assez différente, l'intercompréhension, elle est spontanée et il est très facile d'échanger lorsqu'on est languedocien avec des limousins, en parlant languedocien, les limousins comprennent, et vice-versa. Et d'ailleurs, moi, j'aurais pu faire la démarche de vraiment parler limousin, mais j'ai fait surtout parfois du mélange, et puis souvent j'ai choisi de continuer à parler languedocien avec les limousins sans aucun problème, mais parce que je me sentais pas assez sûr en limousin et pas assez sûr non plus de mon languedocien que finalement j'avais récupéré tardivement pour naviguer entre les deux dialectes. Bon. Ceci dit, quand j'ai commencé justement avec l'IEO, je me suis impliqué dans un projet de réalisation de documentaire en occitan. Je commençais un peu à parloter en limousin, mais toujours avec beaucoup de, comment dire, avec toujours beaucoup de, trop sans doute, de scrupules. La langue n'est plus transmise, ou quasiment plus transmise au niveau familial, et elle est surtout, enfin elle est surtout, non, pas surtout, c'est l'essentiel, je veux dire, si la langue elle meurt, c'est évidemment parce qu'elle n'est pas transmise socialement et dans les familles. On a l'idée que l'école devrait être faite pour ça, mais non, l'école, elle devrait être faite aussi pour ça, mais ce n'est absolument pas le cas. Et il se trouve qu'à Limousin, par rapport aux Languedoc, ça c'était évident, il n'y a aujourd'hui à peu près plus aucune forme de transmission scolaire de la langue non plus. Ce qui fait qu'il n'y a plus, pratiquement plus, de locuteurs. Et que les derniers, s'il y a des jeunes qui aujourd'hui se mettent à chanter, certains le font, la langue pour eux, c'est une langue chantée. Ils ne la parleront pas en dehors de. Peut-être il y en a, hein, mais bon, j'en ai rencontré quelques-uns qu'en dehors de. La langue pour eux, c'est une langue purement et uniquement chantée. Ils ne sauraient pas se. Communiquer dans la langue, s'exprimer dans la langue. Et ça, bon, voilà. Et voilà, donc c'est une histoire, comment dire, franchement, assez désolante, alors que, comment dire, que je m'attendais à rien d'autre, en fait, en réalité, parce que, bon, c'est vrai que. En Languedoc, il y a un revival un peu plus soutenu, disons. Enfin, il y a encore un peu, bon. Mais les temps sont quand même très, très difficiles pour le maintien et la transmission de cette langue, de cette culture, de ces formes musicales, et puis de leur renouvellement, etc. Mais en Limousin, c'est vraiment une situation assez catastrophique, et à ce point d'ailleurs catastrophique que ces dernières années, tout en ayant, en conservant un pied dans cette culture-là, tout en continuant à entretenir un blog où il m'arrive de parler de matière limousine, disons, de toute forme, je dois dire que, faute de pouvoir véritablement vivre cette langue et avec cette langue, faute d'interlocuteurs, et je me suis retourné, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, vers une autre langue, vers une autre communauté, si on peut dire, à savoir que je me suis un peu lancé à corps perdu, mais ça c'est vraiment un itinéraire personnel, hein, ça, qui est absolument pas, général, c'est vraiment singulier, hein, c'est juste ma propre histoire, hein, et de mes relations avec les langues, et avec, oui, cet attrait que j'ai depuis fort longtemps pour les langues, disons, les petites langues. Les langues qui sont petites parce que on leur donne pas l'espace qui devrait leur revenir, donc les langues minorisées, disons, les langues minoritaires, si on veut, langues, dialectes, langues, bon. Et je me suis un peu lancé à corps perdu, en tout cas très sérieusement, et de manière soutenue et j'espère approfondie, dans la pratique du manouche, donc de ce dialecte romanique parlé encore aujourd'hui par les manouches. Et ici en Limousin, justement, ici en Limousin, comme un peu partout en France, mais il se trouve que je vis en Limousin, et c'est en Limousin que je rencontre les manouches, et que j'ai des amis nombreux dans cette communauté, où je parle cette langue, et avec la sensation effectivement d'avoir procédé à une espèce de substitution du manouche par rapport à l'occitan, du fait que là, je rencontrais au moins des gens avec qui, à qui parler, des locuteurs, des groupes de locuteurs. Même si, là aussi, c'est une langue qui est en train de perdre pied, qui va sans doute s'éteindre aussi, qui est mal en point, mais qui est quand même encore portée par des individus de toutes les générations, y compris des enfants, etc., et avec lesquels je peux communiquer, et avec lesquels je communique, comment dire, de manière spontanée, j'ai presque envie de dire naturel, ce qui supposerait qu'il y aurait des formes de communication artificielle et d'autres naturelles, ce qui est faux. Mais en tout cas, disons, le plaisir qu'on peut avoir de communiquer dans une langue, dans un environnement social où cette langue a sa place, voilà, à toute sa place, même si, et c'est le cas, hein, c'est aussi une langue, disons, en perte de vitesse, et mal en point, absolument pas reconnue, évidemment. Bon, voilà, voilà un peu mon histoire, mes relations avec l'Occitan qui vont au-delà de l'Occitan. Cette série documentaire est réalisée par Lettre à la Loupe. Nous remercions toutes les personnes entendues dans cet épisode et celles ayant permis à ce projet de voir le jour. L'Institut d'études occitanes du Limousin nous a aimablement partagé certains éléments sonores entendus dans cet épisode. Ceux-ci sont consultables sur la plateforme d'archives sonores Lobiaso, accessible en ligne sur leur site internet. Merci encore à Chan Chabadour pour les morceaux entendus tout au long de cet épisode. Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ces trois épisodes que nous avons pris à les concevoir. Adi! Quand des biens l'hommage et perd, il parle à l'autre, il remet son désobrat.